بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui, inshallah ta'ala, notre deuxième journée dans ce séminaire. En espérant que tout le monde a bien pu se reposer, parce que cette deuxième journée aussi sera un petit peu active, on va dire. Il y aura beaucoup de cours, comme hier. Et donc, il faut qu'on ait la force pour pouvoir enchaîner. Est-ce que le fait, la croyance, au fait que Allah tabaraka wa ta'ala soit au-dessus de ses créatures, établi sur son trône, est-ce que ce sujet est un sujet d'unanimité et pourquoi? Oui. Deuxième partie de la réponse. Est-ce que les compagnons étaient tous d'accord avec cet avis? Alors, comment tu prouves que les compagnons étaient tous d'accord avec cet avis? Ils n'ont pas donné d'avis autre que celui-ci. Ils n'ont pas donné d'avis autre que celui-ci. D'accord? Donc, c'est ce qui apparaît clairement dans le Coran et la Sunna. Et eux, ils n'ont pas donné d'avis contraire à celui-ci. Quoi d'autre? Mais Allah lui-même le dit qu'il est établi sur son trône. Et donc, Allah lui-même, il dit qu'il est établi sur son trône. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que c'est un sujet d'unanimité? Ça veut dire, est-ce qu'à la base, dans la communauté musulmane, il y a une divergence dessus? Ou alors non? Il n'y a pas de divergence à la base. Et donc, les compagnons, ils étaient unanimes. Premièrement, parce que c'est ceux qui apparaissent clairement dans le Coran, et il n'y a apporté d'aucun compagnon qui a dit non, non, non, c'est pas ce qui est voulu. Et deuxièmement, on a des paroles des compagnons eux-mêmes qui nous disent cela. Ils nous disent que Allah tabaraka wa ta'ala est établi sur son trône et au-dessus de ses créatures et qu'aucun des compagnons ne les a contredits. Et donc c'est un sujet d'unanimité déjà donc dans la première génération de l'islam. On va continuer, inshallah ta'ala. Et donc on va à la page 12. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits lui appartiennent. Il n'a jamais cessé d'avoir ses noms et ses attributs. Il est bien au-dessus du fait que ses attributs et que ses noms soient créés. Il est bien au-dessus du fait que ses noms et ses attributs soit créé. Et donc les noms des créatures, les noms des êtres humains, peu importe la beauté que ces noms peuvent avoir, certains noms peuvent être très beaux. Les plus beaux noms sont les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et les attributs les plus parfaits sont ceux d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et les attributs des créatures ne peuvent être comme les attributs du Créateur. Et ici, quand l'auteur il nous dit qu'il n'a jamais cessé d'avoir ses noms et ses attributs, et donc il est important de comprendre, barakallahu fikoum, ô chers frères, que les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala n'ont pas de début. Les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala n'ont pas de début. Allah, on a dit, Allah n'a pas de début, il n'a pas de fin. Eh bien, c'est pareil pour ses attributs. Et c'est là qu'on va comprendre une règle importante dans la croyance, dans la aqida, dans les noms et attributs d'Allah. C'est que Al-hukmu fi sifat far'un 'an al-dhat. Ou alors al-sifat far'un 'an al-dhat. C'est-à-dire que les attributs dépendent de l'être. Les attributs dépendent de l'être. Nous, nos attributs à nous que nous avons, les créatures, sont des attributs imparfaits. Nous, les êtres humains. Parce que nous-mêmes, nous sommes imparfaits. L'être humain lui-même est imparfait, donc ses attributs sont forcément imparfaits. Les attributs d'Abdul Karim ont commencé à telle et telle date. Parce qu'Abdul Karim est né en telle et telle date. Et donc en telle et telle date, certains attributs ont apparu. Après, Abdul Karim a évolué avec le temps, il a grandi, etc., etc. Et d'autres attributs ont apparu. Et certains ont disparu, etc. Et c'est ainsi avec le temps. Allah Tabaraka wa Ta'ala a toujours existé. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala est parfait. Et donc, ses attributs sont parfaits. Et il a toujours été caractérisé par ses attributs. Ce n'est pas comme les créatures, ce n'est pas comme Jésus ou autre. Et il y a en cela aussi une réplique à ceux qui vont rejeter les attributs d'Allah. Il y a en cela une réplique aussi à ceux qui vont rejeter les attributs d'Allah. Comment ? Comment est-ce qu'on utilise cette règle pour répliquer à ceux qui rejettent les attributs d'Allah ? Les attributs dépendent de l'être. Oui, ça c'est sûr. C'est pour ça que les gens de la Sunna, ils parlent, lorsqu'ils parlent de Al-Mu'attila et de Al-Mushabbiha. Ah, révision. C'est qui Al-Mu'attila, c'est qui Mushabbiha? Al-Mu'attila rejette. Al-Mushabbiha? Ce sont ceux qui prétendent qu'Allah ressemble à ses créatures. Et donc les gens de la Sunna, lorsqu'ils parlent d'Al-Mu'attila, Al-Mushabbiha, ils disent Al-Mushabbiha ya'buduna sonaman wal-Mu'attila ya'buduna adaman. Al-Mushabbiha, ils adorent une statue. Ils prétendent qu'Allah tabaraka wa ta'ala ressemble à ses créatures. Donc pour eux, Allah il est comme ça, comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. Et donc ils vont eux-mêmes imaginer leur divinité. Ils vont eux-mêmes la façonner. D'ailleurs, ça me rappelle un homme que je connais qui est avec nous ici en Martinique en ce moment. Il est chez moi. Il est venu me visiter. Il n'est pas musulman, c'est un sculpteur. Et une fois, ils lui ont demandé de sculpter un abbé dans une statue. Alors il l'a fait, la statue de telle et telle personne. Ensuite, les gens, ils étaient contents, oui. Donc il a fait la statue de cet abbé dans une église, excusez-moi. Donc les gens étaient contents, ils ont ramené plusieurs personnes pour regarder le travail qu'il a fait. Ensuite, ils lui ont demandé son avis par rapport à cette statue qu'il a faite. Il a dit, il faut vraiment avoir un problème pour adorer quelque chose comme ça. Il leur a dit, il faut vraiment avoir un problème pour adorer quelque chose comme ça. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a façonné. Et donc, Al-Mushabbiha, ils vont façonner leur divinité. Et Al-Mu'attila, ya'buduna adaman, ils adorent le néant. Où est Allah? Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas comme ça, il n'a pas ci, il n'a pas ça, il n'a pas ci, il n'a pas ça, il n'a pas ci, il n'a rien au final. Et donc, ils adorent le néant. Taïb, comment est-ce qu'on utilise cette règle pour répliquer justement à Al-Mu'attila? Tout simplement parce que ce qui a fait qu'ils ont rejeter les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme on a dit, quelle est la cause qui les a menés à rejeter les attributs d'Allah? C'est que premièrement, ils pensent que le fait d'affirmer les attributs d'Allah, c'est prétexter qu'Allah ressemble à ses créatures. Si tu dis qu'Allah parle, ça veut dire qu'Allah a une bouche comme nous, qu'il a des dents, des lèvres, une langue. Et donc Allah est comme nous, mais non. On leur dit, qui t'a dit ça? On t'a dit Allah parle. Allah tabaraka wa ta'ala parle. Le reste, comment il parle, ça on ne sait pas. Mais on sait qu'il parle. Et donc eux, ils vont rejeter le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala parle. Et nous, on va leur dire donc, As-sifat far'un al-dhat. L'attribut dépend de l'être. L'être humain est imparfait, sa parole va être imparfaite et il va avoir des attributs spécifiques à son être. Allah tabaraka wa ta'ala, ses attributs dépendent de son être. Et donc il est parfait et il parle comme cela convient à sa majesté tabaraka wa ta'ala. Et donc on ne va pas prétexter qu'Allah tabaraka wa ta'ala ressemble ou est comme ses créatures dans le fait de parler. Et donc il n'y a pas à rejeter l'attribut de la parole ou un autre attribut. Et il dit l'auteur rahimahullah, d'ailleurs on aborde l'attribut de la parole maintenant, il dit, il a parlé à Moussa par sa parole, c'est-à-dire il a parlé à Moussa clair de manière évidente. Et donc par sa parole qui est un attribut de son être. Et non une créature parmi ses créatures. La parole d'Allah est un attribut de son être et ce n'est pas une créature parmi ses créatures. Et donc ça c'est important ça. Barakallahu fikoum les frères. Là on est en train d'arriver dans le sujet de la fitna de Khalq al-Qur'an. La fitna de ceux qui disaient que le Coran a été créé. Ici, l'auteur, il réplique donc à Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, il réplique à ceux qui ont dit que le Coran a été créé. Cette fitna qui a fait... Durant cette fitna, il y a eu beaucoup d'injustices, beaucoup de savants ont beaucoup souffert, menacés, frappés, tués... Parce qu'il voulait que les gens de science disent que le Coran a été créé. Alors que le Coran est la parole d'Allah, c'est un de ses attributs. L'attribut du Créateur ne peut être créé. L'attribut de la créature a été créé. L'attribut de la créature a été créé. L'attribut du Créateur, non. Le Coran fait partie, donc la parole d'Allah fait partie des attributs d'Allah. Le Coran fait partie de la parole d'Allah. Et donc le Coran n'a pas été créé. C'est pour ça que l'imam Ahmed, rahimahullah, il dit celui qui prétend, il dit le Coran est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah est un de ses attributs. Celui qui prétend que le Coran a été créé aura mécru. Car aucun des attributs d'Allah n'a été créé. Aucun des attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, n'a été créé. Allah, tabaraka wa ta'ala, qui nous dit dans son livre, « Wa kallama Allah Moussa taklima. » Et certes, Allah a clairement parlé à Moussa. Il dit aussi tabaraka wa ta'ala wa lamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuh. Sourate Al-A'raf, le verset numéro 143. Lorsque Moussa est venu à notre rencontre et que son Seigneur lui a parlé. Dans dans le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ma minkum min ahadin illa yukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjuman. Il n'y a aucun d'entre vous sans que son Seigneur lui parlera, sans qu'il n'y ait entre deux, sans qu'il n'y ait de traducteur entre deux. Donc chacun parlera à son Seigneur et chacun comprendra. Il n'y aura pas de traducteur. Et donc parmi les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a la parole, le fait que Allah parle. Et ce sujet est aussi un sujet d'unanimité. Il continue l'auteur en disant « Il s'est manifesté au mont qui s'est alors pulvérisé dû à sa majesté. » Tabaraka wa ta'ala. Et donc il y a dans cette histoire le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il a parlé à Moussa, que Moussa l'a entendu. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans son livre wa lamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk. Et donc lorsque Moussa est venu à notre rencontre et que son Seigneur lui a parlé, Moussa a dit au Seigneur, laisse-moi te regarder. Allah tabaraka wa ta'ala qui répond qala lan tarani. Il dit, tu ne me verras pas. Et donc, il y a une discussion entre Moussa et son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et celui qui prétend que Allah ne parle pas aura rejeté donc cette histoire qui a été citée dans le Coran. Il prétend donc que Moussa parlait dans le vent et que Moussa ne parlait pas, qu'Allah ne lui répondait pas. Et donc il est important, barakallahu fikoum, de ne pas rejeter les attributs d'Allah et parmi ceux-ci, il y a la parole. Ensuite, à la page 13, l'auteur qui nous dit, et nous devons croire que le Coran est la parole d'Allah, qui n'a pas été créée, sans quoi elle aurait disparu. Et ce n'est pas non plus l'attribut d'une créature, sans quoi elle se serait épuisée. Et donc il fait partie de la croyance des gens, de la sunna et du groupe, comme on a vu, que Allah tabaraka wa ta'ala parle, que le Coran est sa parole, le Coran n'a pas été créé. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalim Allah » Et si un des polythéistes te demande asile, alors accorde-lui afin qu'il écoute, afin qu'il entende la parole d'Allah, le Coran. Et donc le Coran est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah n'a pas été créée comme on a vu précédemment. Et donc, le fait de rejeter ou le fait de dire que le Coran a été créé, cette croyance est une croyance qui vient de, comme on a dit précédemment, Al-Jahmiyyah et Al-Mu'tazila, ainsi que les Rawafid. Pas les premières générations des Rawafid, mais les dernières générations sont unanimes sur cela. Les dernières générations des Rawafid sont unanimes sur le fait de dire que le Coran a été créé. Et donc, d'où tire-t-il cette parole? Sur quoi il se base pour dire cela? Pour dire que le Coran a été créé. Et donc, tout simplement, ils disent que le fait d'accorder plusieurs attributs à Allah revient au fait de dire qu'il y a plusieurs divinités. Parce que chaque attribut, chaque divinité va avoir un attribut. Si tu dis que Allah parle, ça fait un attribut. Si tu dis que Allah descend, ça fait deux. Et donc là, maintenant, on a deux divinités. Si tu dis que Allah donne trois divinités, Allah retient quatre, etc., etc., tous les attributs qu'il y a dans le Coran, ils vont te dire ta'addudu sifat ta'addudun lil'aliha. Le fait d'avoir plusieurs attributs implique qu'il y ait plusieurs divinités. Et ça, c'est totalement faux. Car comme vous pouvez le voir, toute chose qui existe va avoir plusieurs attributs. Premièrement, le fait d'exister. Deuxièmement, Allah tabaraka wa ta'ala, il fait la distinction dans le Coran entre Hay et Meyyit. Et donc le fait d'exister, mais exister en étant vivant ou mort. Ensuite, on va rajouter grand, petit, etc., etc., etc. Et donc le fait d'avoir plusieurs attributs ne veut nullement dire qu'il y a plusieurs divinités. Et donc eux, à cause de cela, ils vont rejeter plusieurs attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils vont dire que le fait de dire qu'Allah a plusieurs attributs, c'est du polythéisme. C'est du polythéisme. Voilà pourquoi même certains, lorsqu'ils lisent des livres des savants sur les attributs, ils vont dire ça, c'est un livre de polythéisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs attributs, donc ça veut dire plusieurs divinités. Donc c'est un livre de polythéisme. Et donc là, on commence à comprendre d'où vient cette déviance. Et je commence à voir dans vos yeux que vous vous dites, mais comment ils ont pu en arriver là ? Plus tous les attributs sont dans le Coran. Comment ? Tous les attributs sont dans le Coran. C'est comme... En fait, les frères, barakallah, du coup, ça me rappelle quand on étudiait ce sujet avec le cheikh Bandam. Il disait, Hafiz Allah, et donc on était dans une mosquée à Médine. Et nous disait, les frères, pour comprendre les sectes et pour comprendre les groupes, parfois, il faut que tu retires ta raison de la même façon que tu as retiré tes chaussures avant d'entrer à la mosquée. Pour rentrer dans le groupe, il faut retirer la raison. Parce que ta raison, la raison saine, appelle à ne pas accepter cela. Comment ça ? Plusieurs attributs, ça veut dire plusieurs divinités. D'où ça vient, ça ? Et donc, ils vont mettre des règles comme ça, ils vont se baser sur ces règles-là, et avec ces règles qu'ils ont placées eux-mêmes, ils vont rejeter les attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. D'où l'importance d'apprendre. C'est important d'apprendre dans le monde. Non. Sur quelle base de la Sunna ou du Coran ils sont. Parce qu'à un moment ils partent. Normalement, en tout cas, tout ce qu'on fait, on part sur une base Sunna et pourquoi ils sont partis sur quelle base? Masha'Allah. Là, tu as dit quelque chose de très important. Et donc, il dit sur quelle base, Coran, Sunna, ces gens-là se basent. Quelle est la base au début? Eh bien, il faut que tu saches que parmi les caractéristiques des gens de la Sunna, c'est le fait que ils vont d'abord se baser sur les textes et ensuite, en fonction des textes, ils vont établir leurs croyances. Ça, c'est les gens de la Sunna. D'abord, on se base sur les textes et en fonction des textes, on établit notre croyance. Les gens de l'innovation, ils vont d'abord établir leur croyance et en fonction de la croyance, on va chercher des preuves dans le Coran. Et donc la base, ils se basent plus sur leur raison que sur les textes. Et c'est ce qui amène parfois, ils vont chercher des preuves, parfois ambiguës, etc., etc. Et donc d'abord, ils établissent une croyance, et ensuite, en fonction de cette croyance, ils vont chercher des preuves. Et cette croyance, elle est basée, en réalité, sur deux points. Comme on a vu aujourd'hui, plusieurs attributs, ça veut dire plusieurs divinités. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point qu'on a vu hier, c'est que ils vont se dire le fait d'accorder à Allah Tabaraka wa Ta'ala des attributs, le fait de prétendre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a des attributs, ça revient au fait de prétendre que Allah est comme nous. Et nous, on ne veut pas donc décrire Allah avec des défauts. On sait que nous avons des défauts. Et donc on ne veut pas prétendre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a des défauts et donc on va rejeter les attributs. Et donc le problème, il vient de là. Ils vont se dire, nous, on ne veut pas qu'Allah ait des défauts. On ne veut pas prétendre qu'il ait des défauts. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On rejette les attributs. Pourquoi? Parce que les attributs sont imparfaits. Quand on dit parler, l'être humain, quand il parle, ça fait partie des attributs de l'être humain. Mais parfois, l'être humain peut parler en disant de bonnes choses et il peut parler en disant de mauvaises choses. Et donc, l'attribut de la parole pour l'être humain va avoir, donc, l'être humain par sa parole va avoir des qualités et des défauts. Parfois, il va se tromper, etc. Et donc, eux, ils vont prendre cela, ils vont l'appliquer pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils vont dire, ah non, on ne peut pas dire ça concernant Allah. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'il ne parle pas. On dit qu'il ne parle pas. Et c'est là qu'on arrive au Coran. Tu leur dis, mais le Coran, c'est la parole d'Allah. En fait, le Coran, c'est une formulation de ce qu'Allah a voulu. Mais ce n'est pas la parole d'Allah. Allah a permis à Jibril d'avoir une parole qui est une formulation de ce qu'Allah veut. Mais ce n'est pas la parole d'Allah. Et donc le Coran, c'est la parole de Jibril. Ça va loin, ouais. Ça va loin. C'est tortueux. Oui, c'est tortueux, exactement. C'est la philosophie. Exactement. Donc, barakallahu fikoum. On continue, inshallah ta'ala. Parmi les groupes, et donc pour finir cette leçon, parmi les groupes dans ce sujet, le fait de dire que le Coran a été créé, il y a El-Lofdiya. On a déjà vu ce sujet dans le Nord. Voilà pourquoi les frères du Nord vont nous expliquer ça veut dire quoi El-Lofdiya. C'est qui El-Lofdiya? Hein? Pas un truc avec la prononciation. Ah! Mashallah, les arabophones. Et donc c'est lié à la prononciation, mais c'est quoi? C'est le sens qui vient de Dieu et la formulation humaine. Et donc concernant ce sujet, on a dit, donc il y a le Jahmiya et le Mu'tazila, eux ils disent le Coran a été créé. Le Coran a été créé. Ensuite, on a Al-Lafziya, eux ils disent ma prononciation du Coran a été créée. C'est correct ou pas? Dire ça. Ma prononciation du Coran a été créée. Oui, et il dit lafzi bil Coran makhlouq. Hein? Alors, Al-Lafziya, est-ce que c'est correct de dire ça? Lafzi bil Qur'an makhlouq. Ma prononciation du Qur'an. Tout à l'heure, le chef il a récité le Qur'an pendant ça. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Na'am. Et donc, Allah, il vous a créé et ce que vous faites. Tayyib. Et donc, ce que nous faisons est créé. Le problème qu'il y a dans cette parole, C'est que quand tu dis lafzi bil Qur'ani makhlouq, ma prononciation du Qur'an a été créée, cela englobe, surtout dans la langue arabe, cela englobe deux choses. Soit tu parles de ton acte à toi, le fait que tu prononces le Qur'an, et donc ça, c'est créé. Mais on peut comprendre aussi ce que tu prononces. Et donc qu'est-ce que tu prononces ? Le Coran. Et donc là, le fait de dire que le Coran lui-même a été créé. Voilà pourquoi les savants, ils ont fermement rejeté cela. Ils ont interdit cela. Ils ont dit, ne dites pas ça. Parce que cette parole est ambiguë. Cette parole est ambiguë. Le fait que tu vas dire, l'ovribil Coran imakhlou, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit d'utiliser des termes ambigu le concernant. La taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u. Ne dites pas ra'ina. Pourquoi? Parce que les croyants, pour dire oh Allah, regarde-nous, oh Allah, préserve-nous, oh Allah, protège-nous, veille sur nous. Les croyants, pour dire cela, ils disaient ra'ina. Mais les juifs aussi utilisaient cela à l'époque pour dire « Ra'ina », mais eux, cela, ils utilisaient ce mot-là pour se moquer d'Allah. Et donc le terme était ambigu, il avait deux sens, un bon et un mauvais. Allah, il a interdit aux croyants d'utiliser le mauvais terme. Donc, Allah a interdit aux croyants d'utiliser ce terme-là, à cause du fait qu'il a deux sens. Voilà à qui, cependant, nous devons dire, donc, veille sur nous, etc. Et donc, barakallahu fikoum, les savants ont rejeté fermement cette parole de al-lafziyya. On a un troisième groupe, donc on a vu les premiers, al-jahmiyya al-mu'tazila, deuxième, al-lafziyya, et troisième, al-waqifa. C'est quoi le waqifa ? Mustapha ? T'as oublié ? Al-Waqifa. Al-Waqifa, ils étaient mutawaqifoun. Ils disent, on ne dit pas que le Coran est makhlouq. On ne dit pas que le Coran a été créé. Et on ne dit pas que le Coran n'a pas été créé. On ne rentre pas dedans. On ne rentre pas dedans. Les savants ont aussi mis en garde contre ce groupe. Pourquoi ? Ils disent que ce groupe, l'imam Ahmed, il disait, ce groupe-là est encore plus dangereux que le groupe qui prétend que le Coran a été créé. Pourquoi ? Comment ça se fait qu'ils sont encore plus dangereux ? Tout simplement parce que ce groupe-là prétend que leur position est la position du juste milieu. Et c'est ça qui est dangereux. Que c'est la position du juste milieu. Et aujourd'hui, on va avoir le même problème avec beaucoup de fitanes. Tu as deux personnes qui vont être en conflit. Deux personnes qui vont être en conflit. Il y en a un qui a été injuste. Et c'est clair, il a été injuste. Et l'autre, il est opprimé. Et toi, tu viens, au lieu de montrer à l'injuste qu'il a été injuste, et de montrer à l'opprimé qu'il a subi une injustice, et de leur montrer comment faire pour que le problème soit résolu, on dit non, non, non, c'est bon. Allez, personne ne s'est trompé, oublions ça, etc., etc., etc. On n'a pas résolu le problème. On n'a pas résolu le problème. Et donc le fait d'arriver de dire le juste milieu, si on ne rentre pas dedans, on ne dit pas que le Coran est créé ou n'est pas créé, ça va engendrer par la suite que les générations ne vont pas comprendre. Les générations ne sauront pas quelle est la bonne croyance concernant le Coran, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc les savants ont répliqué à ce groupe-là aussi. Et voilà pourquoi l'imam Ahmed, rahimahullah, il était dur sur ce sujet face à ceux parmi les savants qui flanchaient et sous la menace. L'imam Ahmed s'est fait tabasser par rapport à ça. Et il disait, vous, on ne vous a rien fait. Et vous avez obéi à leurs paroles. On vous a juste dit, on va vous faire. On va vous faire. Et vous avez dit, le Coran a été créé. Parce que certains savants ont eu peur. Et donc là, l'imam Ahmed, il a répondu à cela, il a répliqué à cela, il a montré la position à avoir. Parce que si tous les savants avaient flanché, avaient eu peur, etc., etc., cela aurait été grave pour la communauté musulmane. Parce que les gens, ils auraient suivi. Et ils auraient dit qu'effectivement, le Coran a été créé. Et c'est là qu'on a eu la grande propagation de Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila. Mais aujourd'hui, par le fait que les savants, un groupe parmi les savants, soient restés fermes, ont supporté les injustices, ont enduré, eh bien aujourd'hui, on peut étudier ce sujet. On peut étudier ce sujet et on a la vérité qui est encore éclatante. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, qu'on sache l'importance qu'il y a dans le fait de montrer la vérité. Il faut montrer la vérité. Parfois, certaines personnes peuvent être un peu froissées. C'est normal. C'est normal que tu dises... C'est parfois, certaines personnes ont du mal qu'on leur dise « Après, ce que tu fais, c'est pas bien. » C'est pas bien. Mais tu ne peux pas dire à tout le monde « C'est bien. » Il y a forcément des gens qui ont fait des choses qui ne sont pas bien. Il y a forcément des groupes dans la communauté musulmane, puisque le prophète l'a annoncé. Et donc, il faut que tu montres aux gens la vérité. Comme l'ont fait les imams de la communauté musulmane, on va arrêter la cour. Donc, ce matin, Inch'Allah, Ta'ala, Subhanakallah, Alhamdulillah, Ash'hadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.